Avant de savoir parler, on s'est déjà fredonné. En arrivant sur la terre, on s'est chanté. Au fil des jours, on apprend que pour vivre plus longtemps, un sourire, ça vaut bien mieux que de l'argent. Une chanson, ça tient un peu de la magie quand elle arrive. Tout change dans la vie. C'est pour ça que je vais où me guide mais pas une guitare au bout des doigts. Chanter quand je suis bien, chanter quand je n'ai rien, chanter sur tous les toits, chanter à pleine voix et chanter sous la pluie, chanter quand je m'ennuie, chanter tout au long de ma vie. Le monde a des soucis, c'est normal et c'est la vie. On ne peut pas être heureux à l'infini. Quand on est très malheureux, pourquoi pleurer sur son sort? Il vaut mieux pour le moral chanter d'abord. Une chanson suffit pour découvrir l'amour et découvrir aussi les alentours. C'est pour ça que je vais où me guide mes pas une guitare au bout des doigts. Chanter quand je suis bien, chanter quand je n'ai rien, chanter sous tous les toits, chanter à pleine voix, et chanter sous la pluie, chanter quand je m'ennuie, chanter tout au long de ma vie. Tous les gens qui sont très gais semblent toujours ignorer dans la vie tout ce qui peut leur arriver. Et d'avoir le cœur joyeux, c'est ce qu'il y a de mieux, car la chance aime sourire aux gens heureux. Une chanson, ça vient toujours un peu du ciel et d'un sourire. Elle vient quand on l'appelle. C'est pour ça que je vais où me guide mes pas une guitare au bout des doigts. Chanter quand je suis bien, chanter quand je n'ai rien, chanter sous tous les toits, chanter à pleine voix et chanter sous la pluie, chanter quand je m'ennuie, chanter tout au long de ma vie. Chanter la la la la la la la.